franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Jacques Mérine, itinéraire d'un truand. Mesrine, disait les journalistes. Mérine, insistait le gangster. Pourquoi pas? D'emblée, il y a comme une ambiguïté, un doute, un paradoxe. Par ses actions violentes et un certain sens de la communication, le grand, comme l'appelaient les policiers, est devenu une figure, un mythe. De son histoire, on a tiré des films, des livres, des chansons. Avec le temps, il a fallu déconstruire la légende, revenir sur cette admiration un peu décalée, à cette image de voyou noble, de Robin des Bois moderne, pour révéler les zones d'ombre et la violence d'un individu particulièrement dangereux. On est rarement un héros quand on vole et quand on tue. De 1972 à 1979, en France, Jacques Mérine a tenu le haut de l'affiche criminelle. Braquage, enlèvement, évasion spectaculaire, cavale. Pendant une décennie devenu l'ennemi public numéro un, il tient la France en joue, échappe à la police et défie le pouvoir politique. Jusqu'à sa mort, le 2 novembre 1979, porte de Clignancourt, sous les balles de la police, il n'a eu de cesse de faire parler de lui, avec la complicité parfois, de certains journalistes. Suivre le parcours criminel de ce personnage, c'est aussi revenir sur un homme produit de son époque, les années 70. Une décennie de violence, en Europe et en France, celle des enfants perdus de mai 68, unis par la tentative révolutionnaire et armée de l'extrême gauche. Une France des braquages et des enlèvements, sur fond de guerre des polices et de la naissance de nouveaux services de lutte contre la criminalité. En seconde partie d'émission, nous reviendrons sur cette époque, justement, et la traque de Jacques Mérine avec Jean-Louis Fiamenghi. Ancien patron du RAID, il était policier au sein de la brigade anti-gang du commissaire Broussard, en charge de la traque de Mérine. Dans Le secret de l'action, ses mémoires, il raconte pour la première fois sa participation au commando qui a interpellé et tué les gangsters le 2 novembre 1979. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Attaché de production, Emmanuel Fournier, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Loïc Frapsos. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Jeudi 8 mars 1973, Boulogne-Billancourt, banlieue ouest de Paris. Depuis plusieurs jours déjà, l'équipe du SRPJ de Versailles, dirigée par le commissaire Alain Tour, est en planque devant un immeuble de l'avenue Pierre-Grenier. Aujourd'hui, ces policiers-là sont accompagnés de la brigade anti-gang du commissaire Robert Broussard, venu les assister pour une opération de la plus haute importance, arrêter l'individu qu'il traque depuis des mois, un homme de 37 ans armé jusqu'aux dents, un certain Jacques Mérine. Quelques jours plus tôt, l'équipe d'Alain Tour faisait le lien entre une fusillade dans un bar et une série de braquages à Mantes-la-Jolie. Et il s'agissait bien du même homme, Jacques Mérine. Dans l'affaire des braquages, il était accompagné d'un certain Michel Ardouin, surnommé porte-avions, pour sa carrure autant que pour l'arsenal qu'il porte souvent sur lui. Et c'est la filature de Michel Ardouin qui les mène tout droit à cet immeuble de l'avenue Pierre-Grenier, où vit Mérine. Ils, les policiers, savent que leur cible est un as des déguisements. Ils attendent donc d'être sûrs que ce soit lui. Il est 18h30, ce jeudi 8 mars 1973, quand le bon moment arrive, justement. Jacques Mérine rentre chez lui, chargé de courses. C'est donc maintenant qu'il faut agir. Il a les mains prises, il tirera moins vite. D'un coup, 6 agents se jettent sur lui. Bouge pas, Mérine, ou t'es mort. L'homme lâche les courses et décroche un sourire. Il sait qu'il est pris. Il n'y a rien à tenter. Pour Alain Tour et son équipe, l'opération n'est pas encore terminée. La compagne canadienne de Jacques Mérine, Jocelyne de Reche, est dans l'appartement. C'est elle qui raconte la suite. J'ai ouvert la porte. Bon, c'est comme un paquet de mouches carrées rentrées dans l'appartement tellement ils étaient nombreux. Hein. Ça passait de tous côtés. Bon, là, après que le calme est revenu un peu, après qu'ils aient été chercher toutes les armes à feu puis qu'ils nous ont fouillé pour savoir si j'avais pas d'armes, Jacques a dit à un moment donné, écoutez, vu que je suis faible, autant célébrer ça, j'ai du champagne et j'ai du caviar dans le frigidaire. Ce jeudi 8 mars 1973, Jacques Mérine écrit les premières lignes françaises de sa légende. Une arrestation au Champagne dont il fera sa marque de fabrique. Malgré tout, les policiers restent en place dans l'appartement. Ils attendent la venue possible de plusieurs complices que Mérine a invités à dîner. Et de fait, l'un d'eux débarque quelques heures plus tard. Il est arrêté. Plus malin, Michel Ardouin, le surnommé porte-avions, remarque au moment de se garer devant l'immeuble une estafette avec un homme à l'intérieur. Pour lui, c'est sûr, il s'agit d'un policier. Alors, ni une ni deux, il débarre et s'enfuit. De son côté, Jacques Mérine est emmené au commissariat. À l'entour, commence son interrogatoire, l'occasion de retracer le parcours déjà bien long du truand. Vendredi 9 mars 1973, commissariat de Versailles. Messerine Jacques. Hé, la dactylo, là. On dit pas Messerine, on dit Mérine. Alain Tour fait face à Jacques Mérine. Le braqueur reste le marbre pendant que l'inspecteur déroule son pédigré. Né le 28 décembre 1936 à Clichy-la-Garenne, dans la banlieue nord de Paris, Jacques Mérine est issu d'un milieu petit bourgeois où rien ne prédestine à verser dans le crime. Mais une scolarité chaotique, une passion pour la nuit et le jeu, mais surtout, oui surtout, l'Algérie en 1957, l'apprentissage forcé de la violence et de la torture. Lorsqu'il en revient, 2 ans plus tard, décoré, Jacques Mérine n'est plus le même. Il emprunte une autre voie, celle des cambriolages et des braquages. En 1962, première arrestation et découverte de la prison. À sa sortie, il trouve un travail et s'essaie au droit chemin. Oh, pas pour longtemps. Il reprend vite la route des braquages. En 1966, il rencontre Jeanne Schneider. Ensemble, ils partent pour Montréal, où Jacques Mérine bâtit sa réputation. Tentative d'enlèvement, braquage, cavale, arrestation. Le 21 août 1972, en compagnie de Jean-Paul Mercier, un co-détenu, il parvient à s'évader d'un centre pénitentiaire de haute sécurité. Avec son acolyte, Jacques Mérine franchit un cap. Il braque des dizaines de banques, n'hésite pas à attaquer la prison de laquelle il s'est échappé et tue 2 gardes forestiers. Devenu ennemi public numéro 1, celui que le Canadien rebaptise Mr. Jack, parvient à quitter le Canada et à rejoindre la France via l'Espagne. Outre-Atlantique, Jacques Mérine a confirmé son métier criminel. Et c'est ainsi qu'Alain Tour et son équipe de la SRPJ de Versailles, le jeudi 8 mars 1973, mettent fin à une cavale à travers le monde qui durait déjà depuis plusieurs mois. Jacques Mérine retourne, 10 ans après, à la prison de la Santé. Reste à le juger. Et la liste des faits reprochés est longue, très longue. Elle commence le 6 juin 1973 à Compiègne, où il comparaît devant le tribunal correctionnel. Et là... Toutes les polices de France recherchent celui qui est ce soir l'ennemi public numéro 1. À dire vrai, il porte déjà ce titre au Canada. Il s'agit du redoutable gangster Jacques Mérine. Mérine comparaissait cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Compiègne, très sévèrement gardé. Il demande à être conduit au lavabo et, une fois revenu dans son box, il met en joue le président avec un pistolet. Menaçant le magistrat, il gagne alors la sortie du palais de justice et s'engouffre dans la voiture d'un complice, non sans avoir tiré dans la rue sur un gendarme au volant d'une voiture. Ce soir, Mérine est activement recherché. Ce 6 juin 1973, 3 mois à peine après son arrestation, Jacques Mérine reprend le chemin de la cavale, en même temps qu'il se fait un nom en France. Son incroyable évasion marque les esprits. Le complice n'est autre que Michel Ardouin, porte-avions. Mérine le sait, pour réussir en cavale, il faut de l'argent. Et il en fait une méthode, tout de suite repasser à l'action. Avec porte-avions, il monte alors une équipe. Et le 21 juin, 2 semaines après son évasion, il s'attaque à une imprimerie. Début septembre, il affine sa spécialité, le doublon, autrement dit, 2 banques, coup sur coup. 3 semaines plus tard, nouveau braquage. Il décide au dernier moment de doubler avec une autre banque, comme une signature. Porte-avions ne le sent pas. Mais Mérine insiste. Erreur, il aurait dû écouter son complice, car au moment de sortir de l'établissement, la police arrive. Une fusillade éclate, Mérine et porte-avions prennent la fuite, mais leur complice, Pierre Verheyden, qui les attendait dehors, est arrêté. Les policiers ne mettent pas longtemps à faire parler le jeune Verheyden, qui leur indique où vit Jacques Mérine. Robert Bossard, le chef de la brigade anti-gang, est prévenu. Le 28 septembre 1973, le quartier quadrillé, Broussard et son équipe montent jusqu'à l'appartement. Mérine est fait, mais il tarde à se rendre. Alors, il lance un défi au commissaire. « Hé, Broussard, tu serais prêt à venir m'arrêter seul et sans arme ?» Le policier accepte. Alors il fait reculer ses hommes, pose son arme et entre. Mérine est là, un cigare à la bouche. Il tend les mains à Broussard et lui dit « Tu ne trouves pas que c'est une arrestation qui a de la gueule ?» Et il lui refait le coup du champagne. Après 3 mois de cavale, la police arrête de nouveau Jacques Mérine, un épisode qui dévoile aussi la relation particulière qui s'instaure entre le flic et le voyou. Le gangster Jacques Mérine a été arrêté hier soir à Paris. Les hommes de la brigade anti-gang ont appréhendé sans aucune difficulté celui que l'on a longtemps appelé l'ennemi public numéro 1 dans son appartement du 13e arrondissement. Depuis son évasion du palais de justice de Compiègne en juin dernier, il était recherché par toutes les polices de France. Fin septembre 1973, Jacques Mérine retrouve la prison. On le place dans un quartier de haute sécurité, les fameux QHS, ces départements spéciaux où les conditions sont particulièrement dures. Cellules réduites, isolement, absence de lumière du jour, interdiction des visites. C'est pourtant depuis cet endroit-là que Mérine continue de faire parler de lui. Observateur et chroniqueur compulsif de sa propre personne, il lit tous les articles qui le concernent et envoie des lettres de menace aux auteurs qui disent du mal de lui. Et des articles, il y en a. C'est que le truand fascine, et il en a parfaitement conscience. En mars 1977, les éditions Jean-Claude Lattès publient son autobiographie intitulée « L'instinct de mort » écrit dans sa cellule. La sortie de cet ouvrage, dans lequel Mérine se vante de ses méfaits et se donne l'image d'un rebelle anti-système luttant contre une société autoritaire, ne manque pas de faire réagir, surtout qu'il se vend bien. Mérine accompagne son livre d'une dénonciation des conditions de détention en QHS, comme il l'explique dans cette interview, saisissante. Écoutez bien, c'est sa voix qu'on entend. Un type qui est enfermé dans un quartier de haute sécurité, que doit-il faire ? Accepter ? S'écraser ? Se laisser humilier ? Se laisser déshumaniser ? Se laisser détruire et ne pas bouger ? Un homme qui s'évade, comprenez quand on s'évade d'un centre justement de haute sécurité, qui est considéré en droit spécialement créé pour qu'un homme ne s'évade pas. Ce type, s'il s'évade, il prouve donc que le côté de la haute sécurité ne sert à rien. Or, le droit de tout homme enfermé, c'est de s'évader. Le rôle de l'administration pénitentiaire, c'est de faire en sorte que cet homme ne puisse pas s'évader. Mais le rôle aussi de l'administration pénitentiaire sera peut-être de créer un climat qui fasse que cet homme pense à autre chose que s'évader. Vous comprenez ? Si un type pensait que la détention peut lui amener quelque chose, il ne créerait pas ce climat de haine. Peut-être que cet homme chercherait à se rééduquer et chercherait à se réhabiliter. Mais si vous mettez un homme, vous le plongez un homme dur. Vous savez, un type qui est dur, plus vous le frappez moralement, physiquement, plus il devient dur. Moi, je n'ai pas accepté cette destruction. La lutte contre les QHS le rapproche de l'extrême gauche. Pierre Goldman, gangster politisé, lui apporte son soutien. Le journal Libération, notamment avec le reporter Gilles Millet, obtient une interview de lui depuis sa prison et lui consacre plusieurs articles. Enfermé, le braqueur tueur Jacques Mérine devient icône révolutionnaire. Signe manifeste de ce nouveau végétariat, le procès qui s'ouvre aux assises à Paris le 3 mai 1977 et qui se transforme en show Mérine voit la scène suivante. Le port altier, en costume, devant des centaines de journalistes, Mérine n'est pas, et il le sait, un accusé comme les autres. Ce procès est aussi celui de retrouvailles avec le commissaire Broussard. Et le prisonnier annonce la couleur. Vous pensez bien que je vais tout faire pour m'évader. Et si Broussard se trouve devant moi, ce sera un combat d'homme à homme. Et le premier qui tirera aura raison. Nous sommes d'accord, Broussard. Le commissaire acquiesce. Finalement, le 19 mai 1977, Jacques Mérine est condamné à 20 ans de prison ferme. À l'annonce des verdicts par une formule qui vise juste et qui résume ce qu'est devenu Mérine en quelques années, le président du tribunal lui dit « Vous êtes prisonnier de votre personnage et cela représente l'évasion la plus difficile à réussir. » Oui, mais l'accusé, déclaré coupable, tient à son personnage. Alors un an après ce procès retentissant, il joint la parole aux actes. Lundi 8 mai 1978, 10h du matin, prison de la Santé. La porte de la cellule de Jacques Mérine s'ouvre. Il a rendez-vous avec son avocate. Il s'installe dans le parloir, la conversation s'engage, puis Jacques Mérine demande au gardien d'aller chercher l'un de ses dossiers qui se trouve dans la cellule d'un autre détenu, un certain François Besse. Alors que le gardien s'exécute, Mérine se lève, fouille dans la bouche d'aération, d'où il sort 4 armes. Il quitte le parloir et se dirige vers la cellule de Besse qui a lui-même neutralisé le gardien avec une bombe lacrymogène. François Besse, surnommé l'anguille, est un professionnel de l'évasion. Mérine tient en joue les autres matons et les enferme. Les deux malfaiteurs se dirigent vers la cour de la prison. En chemin, ils libèrent un autre détenu. Les trois hommes se saisissent alors d'une échelle, escaladent le mur et à l'aide d'un grappin, quittent la santé. Au moment où ils atteignent la rue, Bess et Mérine tombent nez à nez avec des policiers. Échange de coups de feu, le troisième détenu en train de descendre chute, il est abattu par l'un des agents. Les deux fugitifs arrêtent une voiture, l'homme au volant raconte. Ils m'ont dit tu sors de là-dedans. Ils vous ont menacé? Ah bah ça c'est sûr, ils avaient chacun un pétard. Est-ce qu'ils avaient l'air déterminés selon vous? Ah si, à un moment oui. À la dernière moment j'ai vu qu'ils étaient déterminés puisque j'ai dit oh, où c'est que tu te crois toi? Hein? Mais je savais pas que c'était des gangsters. J'ai dit oh, mais où c'est que tu te crois toi? Où c'est que t'en es? Il me dit « Sors de là tout de suite !» Je lui dis « Mais t'es complètement chavraque, toi, non ?» Ce qu'il y a eu, c'est que c'était des gangsters, je lui filais la porte dans la gueule, puis je m'attirais, quoi. Mais moi, je croyais que c'était des matons, ils étaient déguisés en matons. Alors, je... Est-ce qu'ils quand avaient... ils se sont tirés avec ma belle, ça y est, je suis marrant. Est-ce qu'ils avaient l'uniforme complet de ce gardien présent? Oui, absolument. Absolument. Ils avaient la casquette et puis ils avaient le... cette espèce de blouson, comme les matons. Il paraît que j'ai discuté avec le plus grand, on m'a dit qu'on pourrait que je reviens de loin. Le plus dangereux, comment il s'appelait? Mesrine. Mesrine, oui, c'est celui-là. Mais pas fallait faire d'un mec qui était vachement dangereux. Le 8 mai 1978, Jacques Mérine, l'ennemi public numéro 1, s'évade, comme il l'avait annoncé un an auparavant, d'une prison dont on ne s'évade pas, assurait l'autorité pénitentiaire. Et pour couronner le tout, accompagné d'un autre dangereux criminel, François Bess, beau bilan. Braquage, évasion, arrestation et administration pénitentiaire humiliée, tout comme la police d'ailleurs. Le cirque infernal recommence. Ce 8 mai 1978, Jacques Mérine repart en cavale. Oui, mais ce sera la dernière. Écoutons maintenant un document inédit, exclusif. C'est Jacques Mérine s'accompagnant à la guitare et chantant pas n'importe quoi. Écoutons. Du pénitencier, bientôt on se fermer, et c'est là que je Le 8 mai 1978, après 5 ans de prison, l'évasion spectaculaire de Jacques Mérine et de François Bess est un coup de tonnerre. Une fois encore, l'ennemi public numéro 1 fait la une de l'actualité. L'affaire devient nationale et a des répercussions au plus haut sommet de l'État. Valéry Giscard d'Estaing, le président de la République, à l'époque, exige des explications. À l'Assemblée nationale, Alain Perfit, le garde des Sceaux, tente de retourner la situation en posant les questions auxquelles il devrait lui-même répondre. Est-il normal que le dossier se soit retrouvé dans la cellule de Bess? Est-il normal que Bess ait disposé dans sa cellule d'une bombe lacrymogène? Et surtout, est-il normal que 5 revolvers et une fusée de détresse et d'autres objets encore aient pu être dissimulés dans une cachette du parloir des avocats, sans qu'aucune fouille ait pu les déceler? Voilà donc des anomalies que l'enquête a d'ores et déjà fait apparaître. Elle en fera probablement apparaître d'autres, et toutes les conséquences en seront tirées. Au 36 quai des Orfèvres, on est furieux. De nouveau, pour la troisième fois, la police traque Jacques Mérine. Accompagné de Bess, voilà deux truands réputés pour leur dangerosité et habitués des cavales au long cours, de sérieux clients. Surtout, les policiers en ont bien conscience. Mérine n'a pas le choix, il ne va pas tarder à reprendre les braquages. De fait, les deux fuyards décident de faire équipe et de monter un coup qui leur rapporte gros. Et trois semaines après leur évasion... Hold-up au casino de Deauville la nuit dernière. Selon certains renseignements, il pourrait s'agir d'une agression commise par Mesrine. 70 000 francs ont été raflés par deux hommes. C'est l'un d'entre eux qui s'est présenté au directeur des jeux en affirmant « Je suis Mesrine, tu as certainement entendu parler de moi, conduis-nous à la caisse ». Au moment de quitter le casino avec le butin, l'un des caissiers appuie sur l'alarme. La police est donc prévenue et débarque. Mérine et Bess n'hésitent pas une seconde, ils tirent. Fusillade entre les deux fugitifs et les agents, une jeune femme qui passe par là est grièvement blessée à la poitrine, ainsi qu'un touriste britannique. François Bess et Jacques Mérine reçoivent une balle, le premier dans la jambe, le second dans le bras. Les deux hommes parviennent quand même à prendre leur voiture. Ils roulent à fond sur les petites routes normandes, quand soudain, au loin, ils tombent sur un barrage policier. Nouvelle fusillade. Mérine et Bess réussissent à passer, mais une balle perdue a perforé le radiateur de la voiture. Ils sont donc contraints de continuer à pied. La traque commence. Deux hélicoptères, des tireurs d'élite, des chiens policiers, des centaines de gendarmes. Aucun moyen n'aura été épargné pour tenter de neutraliser Jacques Mesrine, qui continue aujourd'hui son incroyable cavale. On a été vu par une unité de la compagnie. Et depuis, alors, lorsque cette unité les a aperçus, qu'est-ce qu'il s'est passé? Lorsque les unités les a aperçus, ils ont plongé dans le bois en se débarrassant de leurs bagages et de leurs certains vêtements. Et malgré un pistage positif des chiens au départ, ensuite, nous avons pu retrouver leurs traces. Et nous n'avons eu aucun élément permettant de savoir si au départ, ils étaient restés dans le bois ou s'ils avaient pu sortir. Toutes les télés et radios passent l'événement en direct. Les deux hommes sont blessés à pied. Pour la police, c'est sûr, ils n'ont aucune chance. Pourtant, les heures passent et toujours pas de traces des deux fugitifs. Mérine et Bess se terrent et attendent la nuit pour avancer. Ils finissent par gagner un petit village où ils prennent en otage une famille. Ils se cachent à l'arrière d'une voiture et se font déposer près de Mantes-la-Jolie, d'où Bess et Mérine regagnent Paris. Encore une fois, Mérine s'est joué de la police. Les deux hommes se séparent. François Bess se rend compte que Jacques Mérine s'est enfermé dans une logique folle, une sorte d'addiction à l'action, à la violence et à la médiatisation. Début août 1978, la journaliste Isabelle de Wangen publie une interview fleuve du gangster dans Paris Match. Sur la couverture, on voit l'ennemi public numéro 1 parader avec masque à gaz, fusil d'assaut et autres grenades. On ne peut pas être plus clair, Mérine nargue le pouvoir. Toutes les polices de France sont à ses trousses et lui donnent des interviews. Puis il se fait discret, quelques mois, part pour l'Angleterre. Mais lorsqu'il revient, au début du mois de novembre 78, il s'attaque au juge Petit, celui qui l'a condamné en 77. L'opération est un fiasco, mal préparé. L'un de ses complices est arrêté. Face à l'ostentatoire cavale de Jacques Mérine, Christian Bonnet, le ministre de l'Intérieur, tient à rassurer les Français. L'opinion ne comprend pas toujours qu'un ou une journaliste puisse trouver Mesrine et que la police ne l'ait pas encore trouvé. Bien, mon Dieu, Mesrine a eu par trois fois de la chance. Lors de son évasion de la santé, un de ses complices a été tué. À Deauville, il a été blessé. Lors de son équipée de vendredi, un de ses complices a été arrêté. Je doute que la chance continue à lui sourire longtemps, surtout compte tenu des efforts que déploient actuellement les services de police. Alors que Paris Match publie une enquête qui consacre Jacques Mérine, personnalité la plus populaire chez les Français, en décembre 1978, tous les regards se tournent vers les forces de l'ordre qui ne parviennent pas à l'arrêter. En coulisses, justement, on est plongé en pleine guerre des polices entre les différents services en charge de l'enquête. D'un côté, il y a la brigade anti-gang de Robert Bossard, de l'autre, l'OCRB, l'Office de répression du banditisme, dirigé par Lucien Aimé Blanc. Différence de méthode, de culture et guerre des égos gênent considérablement la coordination des opérations. Parce que chacun veut être celui qui arrivera à capturer le grand Jacques Mérine. Pendant ce temps, les mois filent et l'intéressé continue sa course folle. Braquage et publication d'interviews, le vol et le service après-vente. Où va-t-il s'arrêter ? On se le demande lorsque le 21 juillet 1979, accompagné d'un nouveau lieutenant, Michel Chaïovski, Mérine enlève Henri Lelièvre, un milliardaire. Michel Lelièvre, le fils de l'otage, doit remettre la rançon. Alors la police le suit de près. Après un jeu de piste interminable, le commissaire s'arrête, arrive au dernier point de rendez-vous, et là il reste... Le commissionnaire s'arrête, arrive au dernier point de rendez-vous, et là il reste bloqué dans la voiture, pris de peur. Après plusieurs minutes d'attente, la police décide d'intervenir. Au moment où la voiture des agents arrive derrière celle du fils Lelièvre, elle est copieusement canardée depuis la forêt. Échec de l'opération, et une fois encore, Mérine montre qu'il n'hésite pas à tirer sur la police et qu'il s'en sort. Quelques semaines plus tard, Michel Lelièvre trompe les policiers qui le surveillent et s'en va remettre la rançon seule directement à Mérine. Le 28 juillet 1979, Henri Lelièvre est libéré par ses ravisseurs. Les journalistes l'interviewent. Vous avez vu son visage ? On peut savoir ce que vous avez dit. Mais... Vous avez vu son visage, monsieur Lelièvre ? Je n'ai pas... J'ai vu son visage ici. Il s'est présenté deux hommes costauds. Un qui faisait 1m80 et je crois que c'était lui, d'après les photos qu'on m'a montrées à la police, je crois vraiment que c'est lui. Hein. Et ensuite, il y en avait un autre, un grand qui faisait presque 2 mètres, qui est un costaud. Hein. Peut-on savoir ce qu'il vous a dit ? Il m'a raconté son évasion de la santé, s'il veut savoir. Alors ça veut tout dire. Hein. L'affaire Lelièvre marque une rupture. L'échec est total pour les forces de police. À l'Élysée, cette fois, on déclare qu'il faut en finir. Et pour commencer, il faut régler cette guerre des polices qui bloque toute avancée. Le ministre de l'Intérieur, Christian Bonnet, prend les choses en main. Il charge Maurice Bouvier, le directeur de la PJ, de gérer la situation au plus vite. Ce dernier met en place une coordination Mérine constituée d'agents de l'OCRB de Lucien Aimé Blanc et de la brigade anti-gang de Robert Brossard. Toutes les informations doivent désormais être partagées et passées par lui. Pour le reste, Mérine va bien finir par faire une erreur. Il faut attendre. Et cette erreur, justement, il l'a commis au début du mois de septembre 1979. Il se trouve qu'un journaliste de Minute et ancien policier, Jacques Tillier, lui demande une interview. D'accord. Les deux hommes se rencontrent dans une grotte au milieu d'une forêt. Sauf qu'en lieu et place de l'entretien, Mérine choisit de se venger du journaliste qu'il considère comme un indique. Au fond de la grotte, il le passe à tabac, l'humilie, lui tire 3 balles à bout portant et le laisse pour mort. Jacques Tillier parvient, par miracle, à s'extraire de cet enfer et il est sauvé par une voiture qui passe par là. Au cours de cette affaire, l'un des complices de Mérine se fait prendre au piège tendu par la police. Les enquêteurs laissent entendre qu'ils sont à la recherche d'une Renault 5. De plus, Tillier a pu voir et entendre l'homme qui a accompagné Mérine. Il s'appelle Charlie Bauer. Or, ce Charlie Bauer possède bien une Renault qu'il a utilisée sur le coup Tillier, mais c'est une Renault 14, donc il se dit qu'il n'a pas besoin de changer de voiture puisque les policiers en cherchent une autre. Oui, sauf que le 23 octobre 1979, la voiture de Bauer est localisée du côté de la rue Saint-Lazare. Les enquêteurs filent son propriétaire. C'est certain, il finira par les conduire à Mérine. Et ça ne manque pas. Quelques jours plus tard, le 31 octobre 1979, le gangster est logé rue Béliard dans le 18e arrondissement avec sa dernière compagne, Sylvia Jean-Jacques, surnommée la Belle Italienne. C'est Broussard et l'anti-gang qui sont en charge de l'opération. Et ils n'ont pas le droit à l'erreur. Pendant plusieurs jours, le dispositif de surveillance est mis en place. Maintenant, il faut attendre le bon moment. Le vendredi 2 novembre 1979, en début d'après-midi, Jacques Mérine et Sylvia Jean-Jacques sortent de leur appartement, chargent leur BMW et prennent la direction de la porte de Clignancourt. Toutes les voitures du dispositif se mettent alors en marche. Il ne faut pas lâcher la proie. Arrivé au rond-point de la porte de Clignancourt, Mérine se fait doubler par un camion. À l'intérieur, derrière la bâche, 4 policiers sont postés armés de mitrailleuses. Mérine est encerclé car derrière lui, une autre voiture de police est en place. Là, c'est le moment. Il faut intervenir. À 15h15, ce vendredi 2 novembre 1979, la cavale de l'ennemi public numéro 1 s'achève. Je me trouve place de Clignancourt et je peux vraiment vous confirmer dans cette nouvelle. Mesrine est mort. Il a été abattu il y a quelques instants. Il y a un camion. Un camion bleu de police, il est revenu devant, il a bloqué la route, il y a les policiers qui l'ont mitraillé en face. Mesrine était à bord du BMW, il avait un déguisement, il portait une perruque, il était armé, il avait à l'intérieur de la voiture des gros calibres et des grenades. La femme, elle essayait de s'enfuir avec le petit chien, il y a un petit chien qui l'est blessé, et puis ils l'ont mitraillé eux aussi, et puis la femme, elle est tombée par terre, elle était vivante encore. Et Mesrine a été tué sur le coup, il est d'ailleurs toujours sur place, beaucoup d'embouteillages évidemment maintenant. Mesrine est couché sur le volant. Lui, il n'a pas eu le temps de déboutonner la ceinture pour sortir le revolver. Hein. En cour d'assises, lorsqu'il est passé, Mesrine m'a dit devant le président Petit, le premier qui tirera aura raison. Il a voulu sortir une grenade, nous avons tiré. Rapidement, port de Clignancourt, un immense embouteillage se crée. Les journalistes branchés sur les radios de la police sont immédiatement sur place. Sylvia Jean-Jacques, grièvement blessée, est emmenée d'urgence à l'hôpital. Le cadavre de Mesrine, lui, est toujours à l'avant de la voiture, le haut du corps renversé, retenu par la ceinture de sécurité. Il reste là pendant plusieurs heures avec la foule et les flashs qui crépitent autour. Finalement, un brancard arrive et le corps du malfaiteur le plus célèbre de France est évacué à peine couvert. Les images et les témoignages de l'intervention policière déclenchent alors la polémique. Les policiers ont-ils sommé Mérine avant de tirer? Ne pouvaient-ils pas l'interpeller? Y a-t-il eu au plus haut sommet de l'État l'ordre de tuer Mérine, quoi qu'il arrive? Quelques heures après l'intervention, Maurice Bouvier, le patron des polices, donne une conférence de presse où, inévitablement, ces questions sont posées. Vous avez précisé sur les moyens utilisés, aussi bien à ce moment-là, si vous voulez bien, vous me laissez raconter. Lorsque Mesrine s'est vu entouré de voitures, il a entrouvert sa portière. Nous savions qu'il avait avec lui des grenades défensives. À partir de ce moment-là, nous ne pouvions pas le laisser utiliser ces grenades. Et nous avons été amenés à tirer. N'y avait-il pas un autre moyen que de l'abattre tout de même? Vous êtes tous des tireurs d'élite. Nous ne pouvions donc absolument pas permettre que Mesrine recommence. S'il était sorti en levant les mains, la situation aurait été tout à fait différente. Et par conséquent, nous ne pouvions pas prendre de risques. Après 18 mois d'une énième cavale, Jacques Mérine, ennemi public numéro 1, est abattu en plein Paris. C'est la fin d'un parcours criminel hors du commun qui mêle ultra-violence et gesticulation médiatique et qui aura tenu en haleine les Français pendant près d'une décennie. D'ailleurs, même mort, Jacques Mérine continue à faire parler de lui. Le lendemain de son décès, les policiers découvrent en effet dans son appartement l'une de ses innombrables cassettes sur lesquelles il s'enregistrait. Les autorités décident de diffuser ce qui ressemble fort alors à un testament. Moi, je suis mort les armes à la main. Même si peut-être, mais ça je n'en sais rien, je n'ai pas eu le temps de m'en servir. Parce que même si les policiers m'ont tué, avant que j'aie le temps de mettre la main sur mon revolver, il faut te dire une chose. Si j'avais eu le temps de mettre la main dessus, je m'en serais servi. Peut-être que j'ai mis la main dessus et que je m'en suis servi. Puisque cette cassette est prémonitoire, je ne peux pas quand même envisager ce qui m'est arrivé ou ce qui m'arrivera. La seule chose que je sais, c'est que si tu écoutes cette cassette, c'est que je suis dans une cellule d'où on ne s'évade pas. Et à la finale, je vais rester un exemple, peut-être un mauvais exemple. Alors c'est ça qui est terrible. C'est que certains font faire de moi un héros, et qu'en fin de compte, il n'y a pas d'héros dans la criminalité. On peut difficilement donner tort à Jacques Mérine sur ce point. Non, il n'y a pas de héros dans la criminalité. Il y a juste une impasse. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le dossier Jacques Mérine avec notre invité Jean-Louis Fiamenghi. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ancien patron du RAID, vous étiez policier au sein de la brigade anti-gang du commissaire Broussard, en charge de l'affaire Mérine. Dans le livre que j'ai entre la main, qui s'appelle « Dans le secret de l'action », vous publiez vos mémoires chez Mareuil Éditions et vous racontez pour la première fois votre participation au commando qui a interpellé et tué Jacques Mérine le 2 novembre 1979. Sur la couverture, vous portez un habit de cuir noir, un pull noir, regard genre le crime ne passera pas, hein. Et puis alors sur la quatrième de couverture, là vous êtes souriant. Il y a deux aspects du personnage. Revenons d'abord sur cette journée du 2 novembre 1979, donc celle de la mort de Jacques Mérine. Pouvez-vous nous la raconter de votre point de vue? Et il est important puisque vous y étiez. Oui, cette journée du 2 novembre avait commencé très tôt et pour ma part, je faisais partie du groupe qui étions chargés d'assurer la protection du dispositif qui devait interpeller Mesrine ou Mérine, puisque encore une fois, chacun, qu'il soit journaliste ou voyou, dit Mérine ou Mesrine. Et donc, notre mission était effectivement la protection du dispositif, car Monsieur Broussard nous avait demandé de tenter de l'interpeller à pied lorsqu'il allait sortir de l'immeuble. Donc, c'était ça le premier dispositif. Et Et cette interpellation, nous ne connaissions pas l'origine de son véhicule. Nous ne savions pas qu'il avait un véhicule parce que, souvenez-vous, et votre reportage le montre bien, nous avions logé Mesrine 3 jours avant, où nous l'avions d'ailleurs suivi alors qu'il était avec Charlie Bauer, Jeanne et Sylvia Jean-Jaco. Ils étaient en train de faire des courses dans le 18e. Et nous avions tenté de les interpeller, mais à ce moment-là, les risques étaient trop grands puisque lorsqu'ils se déplaçaient, Mesrine était toujours à l'écart du groupe avec sa sacoche, et donc le Broussard ne voulait pas qu'il y ait un problème. Au moment de l'interpellation, il y avait beaucoup trop de monde. Alors justement, pardon de vous couper, il y a une deuxième occasion, je crois, il était chez lui, il est rentré chez lui, apparemment ivre, en pleine nuit, seul, vous auriez pu intervenir là aussi. Oui, tout à fait. Alors donc ça, c'était le deuxième moment où nous l'avions à pied. Nous l'avons vu rentrer à pied, mais nous l'avons vu au dernier moment. Et étant donné que dans ce quartier, il est évident qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens de s'abriter, de se masquer. Et c'est vrai que ce soir-là, au petit matin, nous avons loupé une deuxième fois l'occasion de l'interpeller à pied aussi. Alors je reviens donc sur le jour où il est non seulement interpellé, mais tué, quand vous dites je faisais partie de l'unité qui devait sécuriser, l'unité qui devait intervenir. C'est tout ça. Fait. C'est-à-dire que vous êtes où précisément? Au moment où le camion double la voiture de Mérine, donc il y a... Alors, pardon, je vois très bien, mais au départ nous étions statiques dans la rue du Mont-Cenis, oui. Et le camion était garé dans la rue du Mont-Cenis, car nous pensions que Mesrine allait faire ses courses à pied comme nous l'avions vu deux jours auparavant, et donc l'interpellation devait se faire entre la rue de son domicile, la rue Béliard, et la rue du Mont-Cenis. Malheureusement, au dernier moment, Sylvia Jean-Jaco sort, le grand aussi, Jacques Mérine, donc sort aussi, et nous vont sur un véhicule que nous ne connaissions pas à ce moment-là. Donc ce qui fait que le dispositif, découvrant ce véhicule, donc la filature allait commencer, et la filature en effet commence, et normalement le camion n'avait plus cette mission. C'est grâce, Christian Lambert était donc au volant de ce camion. Christian Lambert, par une chance extraordinaire, arrive à remonter la rue du Mont-Cenis, à doubler tout le dispositif et se retrouver, mais tout à fait par hasard, parce que normalement, avec les feux rouges, l'encombrement du boulevard, je ne sais plus comment s'appelle ce boulevard, le camion ne devait pas passer. Donc, par le plus heureux des hasards, nous nous retrouvons devant le véhicule de Mesrine bloqué au feu rouge. Alors là, vous êtes dans le camion, vous? Oui, tout à fait. Nous sommes quatre à l'arrière du camion. Donc là, vous dites, allez, on ouvre la bâche, et vous avez Mérine et Sylvia Jean-Jaco qui sont à quoi, 4 mètres de vous, 3-4 mètres, ils sont juste derrière vous. Même pas, 2 mètres. Et à ce moment-là, donc nous avions déjà relevé la bâche parce que nous étions chargés aussi d'assurer la protection de ce dispositif, et nous entendons Broussard qui donne l'ordre d'interpellation au dispositif véhicule. Et à ce moment-là, donc le véhicule de Mesrine était coincé derrière le nôtre. Nous levons et donc nous braquons Jacques Mérine. Et à ce moment-là, donc les effectifs à pied sortent des véhicules et convergent vers le véhicule où était Mérine. Mmh. Et Mérine, pour nous qui avions cette vision sur le véhicule, Mérine voit donc les premiers enquêteurs, enfin les premiers gars de la brigade anti-gang qui arrivent, et bon, il comprend tout de suite. Et à ce moment-là, donc, Mérine veut se saisir de ses grenades, et nous, ce que nous voyons en haut, je pense pas qu'il nous ait vu franchement, mais nous voyons donc ce geste qu'il avait de saisir ses grenades. Nous le prenons, nous avions donc des instructions comme quoi il fallait protéger ce dispositif, et donc il fallait pas qu'il lance une grenade. Mmh. Et à ce moment-là, pour nous, nous étions en état de légitime défense, et c'est pour ça que nous décidons de tirer. Donc ça veut dire que ça n'était pas un plan prévu. Je passe avec le camion devant la voiture de Mérine, j'ouvre la bâche et je tire. Parce que ça fait des mois et des mois qu'ils nous ridiculisent. On a la pression du pouvoir, jusqu'à Giscard, oui. Les ministres... qui outrepasse leur fonction d'ailleurs au passage, il y a une grosse pression. Donc vous me confirmez que ça n'est pas un plan. C'était pas on tue Mérine, parce qu'il y en a marre. Non seulement je vous le confirme, mais l'enquête judiciaire, il y a eu quand même eu 9 juges d'instruction qui nous ont pas les 9 nous ont auditionnés, mais les 2 derniers nous ont auditionnés. Donc s'il y avait eu le moindre problème, si les conditions de la légitime défense n'avaient pas été prouvées, donc je j'aurais pas été chef du raid quelques années plus tard. Alors on va écouter justement une archive qui date de 1997, il s'agit de Christian Bonnet, donc le ministre de l'Intérieur à l'époque des faits en 79, et il revient lui aussi sur cette polémique. Écoutons ensemble. Quand on dit « vous ne prenez aucun risque », ça veut dire « je ne veux pas qu'il y ait un seul policier qui risque d'être blessé par cet individu ». Par conséquent, on sait ce que ça veut dire. C'est une formule dont vous comprenez très bien ce qu'elle veut dire. Quand on a dit « vous ne prenez aucun risque », ça veut dire pratiquement « plutôt que d'avoir un blessé chez nous, vous n'hésitez pas à tirer ». Le 2 novembre, vers 15h, j'ai eu un coup de téléphone alors que j'étais en train de déjeuner chez un ami commun avec Michel Debré pour me dire que ce fauve avait été abattu. Je me suis précipité au ministère. Le président de la République, m'a-t-on dit, souhaitait me voir. Je lui ai rendu compte de cette affaire. Je sais qu'on a, beaucoup daubé sur cette affaire en disant « Ah, on aurait pu l'arrêter et le juger ». Bon, le juger. Bon, je peux vous dire une chose, si on l'avait jugé, nous étions en 79, le président Mitterrand et M. Badinter ont fait abolir la peine de mort en 81, il aurait échappé à la peine de mort, et d'un. Et de deux, comme l'avait très bien dit Christian Le Guenhaec, qui était à ce moment-là procureur de la République à Paris et qui est maintenant président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, vis-à-vis d'un homme comme Mesrine, un pays doit se considérer comme en état permanent de légitime défense. Ce sont les termes mêmes qu'avait employé le procureur de la République de Paris. Qu'en pensez-vous ? J'imagine que vous êtes d'accord. J'en pense, j'ai jamais reçu une instruction d'un ministre pour abattre quelqu'un. Je suis pas à la DGSE, je suis pas au service action et les opérations homo n'existaient pas, c'est-à-dire les opérations d'homicide. Ouais. Donc on fait partie d'un service judiciaire et on intervient dans le cadre du flagrant délit. Donc les juges d'instruction, de toute façon, les juges d'instruction ont décidé que nous étions en état de légitime défense, c'est qu'il y avait des éléments qui permettait donc que cette légitime défense soit prouvée. Par contre, je m'élève totalement sur tout ce que vient de dire Monsieur Bonnet. À quel niveau ? L'explication, il avait été décidé qu'il valait mieux qu'il soit tué, qu'il aille en prison, etc. C'était pas du tout la philosophie déjà de la brigade antigone. Bah oui, parce que c'est ce que vous pendant 40 ans, j'étais fonctionnaire de police. Je n'ai jamais tué quelqu'un sans être dans le cadre du droit. Encore une fois, nous sommes dans le cadre du droit. Parlez-moi du commissaire Brossard, votre patron, parce que Mérine, c'est la jouée quand même grave, hein, comme diraient les jeunes. Oui. Il avait quand même un égo surdimensionné. Enfin, Brossard était pas mal non plus dans le genre, mais c'était différent, évidemment, Brossard. Oui, tout à fait. Enfin, c'est un policier. Mais... Oui, tout à fait. Mais bon, disons que c'était l'époque aussi qu'il fallait communiquer, et c'est vrai que le commissaire, nous sommes dans les années 70-80, c'est la période du grand banditisme, contrairement aujourd'hui où c'est plutôt le terrorisme. Oui. Et il y a beaucoup de journaux qui, à chaque fois que nous intervenions, couvraient de pages concernant les cow-boys, parce qu'on nous a aussi appelés les cow-boys de l'anti-gang, etc. C'est vrai qu'il y avait toute cette médiatisation. Et Broussard, de par son comportement aussi, a attiré la presse. Et je crois qu'il y a eu cette bataille aussi d'ego entre les deux. Mais cette bataille d'ego aussi, Broussard, sur toute sa carrière, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il ait failli par rapport au droit. Alors justement, vous surnommiez Mérine le Grand, non pas pour sa stature, mais j'imagine pour sa taille, tout simplement. Tout à fait. Mais il n'y a pas un côté quand même fascination ? Est-ce qui vous fascinait ? Allez, très sincèrement. Mais de toute façon, lorsque nous sommes dans la police, il y a des voyous qu'on appelle des belles gueules, etc. Des voyous qui sont au-dessus du lot. Parce que c'est vrai, ce ne sont pas des héros, mais il y a quand même des personnages. Et lorsque policiers, flics ou voyous, bien souvent, nous sommes attirés, nous avons le mythe du calibre, etc., etc. Donc c'est vrai que le personnage fasciné, ça ne veut pas dire que la fascination, c'est une fascination de c'est pas une alliance. C'est pas une alliance, mais c'est vrai que il a quand même déjoué plusieurs fois notre action, etc. Et donc, je ne veux pas dire qu'il y avait un certain respect, mais ça restait pour nous un objectif très intéressant. Alors, est-ce que vous en voulez à la presse, par exemple ? Parce que c'est vrai que vous avez quand même la tâche difficile. En prison, il a réussi à s'évader, donc on peut se demander si... C'est extraordinaire. Le garde des Sceaux de l'époque dit, mais cette administration pénitentiaire, elle marche pas. C'est quand même le ministre de tutelle, enfin, peu importe. Il y a ça, la presse en parle beaucoup, lui-même est plutôt habile hein, pour passer à travers les gouttes. Donc vous avez évidemment une tâche difficile, quoi. Presque tout le monde contre vous, finalement. Non, mais c'est vrai qu'il y avait une pression, et il est vrai que lorsque tous les jours vous lisez que Messrine vous ridiculise, etc., il y a une pression. Bon, c'est peut-être ce qui a amené notre motivation, parce que des heures et des journées, on en a passé énormément, donc on était motivé pour l'interpeller, ça c'est évident. Hein. Alors, concernant la guerre des polices qu'on a évoquée, qu'on n'a pas inventée, il y avait quand même beaucoup d'indices qui nous dirigeaient vers cette voie, donc guerre des polices entre les deux services, de Broussard d'un côté mais Blanc de l'autre. Est-ce qu'il y avait une guerre des polices? Et si oui, comment expliquer cet affrontement? Mais la guerre des polices, bien certes, il y a de l'émulation, donc on peut de l'extérieur on peut l'appeler la guerre, dans la mesure où la presse percevait l'émulation comme négative par rapport à notre action. C'est vrai qu'on n'arrivait pas, mais vous avez deux équipes de rugby, deux équipes de foot. Aujourd'hui, hier c'était Reds et IGN, etc. Il y a toujours, on est toujours sur les, lorsqu'on deux équipes sont sur le même terrain et puis tentent de trouver par tous les moyens l'ennemi public numéro un, il est évident qu'on ça peut paraître pour une guerre. J'ai connu ça sur l'affaire Colonna, c'est exactement pareil. Donc c'est vrai qu'il y avait une émulation et qui faisait que notre action était anéantie, parce que c'est vrai que bien souvent... Donc, on est bien d'accord, c'est contre-productif. C'est contre-productif, oui, tout à fait. Bien. Et est-ce que l'affaire Jacques Mérine a permis une évolution des méthodes de la police, de l'enquête, de la traque? Est-ce que pour votre profession, ça a été un tournant ou pas? Non, ça, l'affaire Mérine n'a pas été un tournant. Les années 70-80 ont été un tournant dans notre organisation. Il y a eu quelques temps avant plusieurs affaires d'enlèvement, etc. Nous avions mis en place des techniques qui ont permis à neutraliser ces équipes. Mais c'est pas l'affaire Mérine en elle-même qui a fait qu'il y ait eu un tournant. Mais c'est vrai que lorsqu'on regarde cette affaire, c'est la médiatisation qui a fait la médiatisation d'un voyou qui a fait que tout le monde en a parlé et en parle encore. Oui, enfin, c'est la construction du voyou ou du personnage, c'est d'abord celle du personnage lui-même. Tout à fait. Avant la presse, non? Tout à fait, personnage, oui, ouais. Haut en couleur, bon. C'est vrai. Et alors, ce journaliste, ancien flic, qui passait à tabac dans une grotte, alors Mérine se revendiquait une espèce de code d'honneur. Bon, il avait la grosse tête, de toute façon, donc... Tout à fait. Il disait, voilà, moi je suis un bandit... classe, quoi. Bon. Mais là, ce qu'il fait à ce type, comment vous avez réagi? Vous avez dit, là, il vient cinglé, c'est quoi d'honneur, c'est juste du discours. Ben ça n'était pas un héros, il le dit lui-même. Hein. Ouais. Donc, c'est vrai que là, Jacques Tillier a failli perdre la vie, hein, parce que il a été touché à la tête, etc. Donc, c'est un miracle si ça s'en est sorti. Non, mais de temps en temps, il avait ses accès de folie. Et d'ailleurs, pourquoi François Besse, à un moment donné, l'a lâché, et comme tous ses coéquipiers l'ont lâché, parce que à un moment donné, il disait le grand devient complètement fou. Hein. C'est vrai que sa paranoïa, sa mythomanie ont fait que petit à petit, même par rapport à ses équipes, elles se sont éloignées de lui. Quel regard, vous qui avez vécu cette affaire, avez-vous porté sur les deux films qui ont été faits sur Jacques Mérine, à la fois donc le parti 1, c'était beaucoup le début, et le Canada. Oui. Puis la partie 2, c'était la France jusqu'à l'arrestation. Il nous reste 30 secondes, j'imagine que ça doit être saisissant quand même quand on a participé à une affaire, une histoire et qu'on voit ça en film. Ça vous a paru honnête, le film? Vous êtes retrouvé? Non, alors je me suis élevé contre le film. Pourquoi? Le film, je l'ai trouvé bon sur l'ensemble du film, mais sur la fin, il y a une espèce de son. À la fin, on entend une porte qui s'ouvre et on tire, on abat Messrine après la fusillade, ouais. Etc. Ah, ça, bah oui. Ça c'était hors... mais encore une fois, c'était une erreur. Des conceptions scénaristiques. Tout à fait. Des conventions, j'allais dire. Ça n'était pas un documentaire, c'était un film. Bon. Donc. Merci Jean-Louis Fiamenghi, ancien chef du RAID. Et je rappelle votre livre, Dans le secret de l'action, vos mémoires, chez Mareuil Éditions. Merci. Au revoir. Merci. C'était